devant moi, y'avait rien. La prairie n'était rien. La mer n'était rien, mais le vent soufflait bien. Mon corps était déjà dans l'atmosphère. Mon âme était déjà arrivée jusqu'à Jupiter. À travers les étoiles, voyage en hyperspatial. Je ne pensais qu'à elle et je ne voyais qu'elle. Elle était devant moi. Mais mon cœur était déjà dans l'atmosphère. Mon âme était déjà arrivée jusqu'à Jupiter. À travers les étoiles, voyage en hyperspatial. Je ne pensais qu'à elle et je ne voyais qu'elle. Elle était devant moi. Un météore s'est approché. Il a traversé notre voie lactée et nous a séparés. C'est un météore, l'ange noir de la mort, qui a explosé et nous a séparés. Mon corps était resté sur terre. Mon âme allait pourrir en enfer. À travers les flammes, voyage dans l'abysse glaciale. Je ne pensais qu'à elle et je ne voyais qu'elle. Elle était devant moi. Satané météore, j'y repense encore. Me l'a volé je me vengerai. Mais son corps était déjà dans l'atmosphère. son âme. J'étais déjà arrivé jusqu'à Jupiter. À travers les étoiles, voyage jusqu'au bout de l'astral. Il ne pensait qu'à elle et il ne voyait qu'elle. Elle était devant lui. Mais son corps était déjà dans l'atmosphère. Son âme était déjà arrivée jusqu'à Jupiter. À travers les étoiles, voyage jusqu'au bout de l'astral. Elle ne pensait qu'à lui et elle ne voyait que lui. Il était devant elle.